Parmi les 24 poèmes inspirés par la mort, à 23 ans, d'un de ses élèves, qu'il considérait comme son fils adoptif, poème publié en 1888 dans le recueil intitulé Amour, voici le poème que j'ai choisi. Mon fils est mort.